tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour. Profitons une dernière fois de l'année 1967. Oui, elle s'achève aujourd'hui. Il n'y aura ni rappel, ni prolongation. À force de nous immiscer radiophoniquement dans la vie des familles, plus ou moins unies, à force d'accompagner les provinciaux à Paris, les Parisiens en province, les touristes le long de la Seine, et d'écouter les créateurs de tout genre, les femmes et les hommes de théâtre, les chanteurs, francophones ou anglo-saxons, oui, à force de guetter la rumeur du monde, la guerre des six jours, le Vietnam bombardé, les gardes rouges faisant la loi à Pékin, le Tché mort ou vivant, la Grande-Bretagne entrant ou non dans le marché commun, etc., etc., nous sentons bien que nous allons avoir du mal à la quitter cette année. Eh bien si, nous devons nous résoudre à voir s'achever ce riche millésime. Riche, attention, allons-nous passer en France du problème de l'emploi à celui du chômage? On peut s'en inquiéter. Alors, le jeune secrétaire d'État aux affaires sociales, en charge de ce dossier, va intervenir dans l'émission Magazine du Travail, le 8 juillet 1967, sur France Culture. Voici le magazine du travail, réalisé sous la direction de Roger Michaud par le service d'information sociale de l'actualité radiophonique. À l'indépendance du monde. Au micro, Louis-Georges Etier. Qu'il soit prescrit par un médecin ou accordé par une loi, le repos est un besoin auquel nul ne désire se soustraire. C'est pourquoi nous avons choisi, pour ce dernier magazine avant les vacances, nous avons choisi de parler de thermalisme social et des congés payés. À ces sujets, nous en ajouterons deux autres que l'actualité nous commande, l'intéressant accord qui vient d'être signé dans l'industrie des papiers cartons et bien sûr les dispositions qui seront bientôt prises pour améliorer la situation de l'emploi. Reprenons ce sommaire à l'envers maintenant, en commençant par l'emploi. On sait que M. Chirac, secrétaire d'État aux affaires sociales, a révélé les grandes lignes du projet d'ordonnance qui seront bientôt prises en faveur des chômeurs, mais aussi pour atténuer les effets des licenciements et même, dans une certaine mesure, les éviter. Nous ne reviendrons pas sur le détail des mesures envisagées, que nous avons déjà exposées dès mercredi soir dans les différentes éditions de nos journaux, mais pour faire pendant aux déclarations que nous a faites samedi dernier André Bergeron, président de l'UNEDIC, nous allons maintenant laisser la parole à M. Chirac, qui va nous définir d'abord le but poursuivi. Les mesures qui sont contenues dans ces projets d'ordonnance ont en fait pour objet de doter la France des moyens modernes nécessaires pour faire face aux conséquences de l'évolution de l'emploi et de la transformation de la notion même de chômage. Cette transformation de la notion de chômage appelait une réforme qui peut être ainsi justifiée. Cette réforme est actuellement justifiée par l'augmentation prévisible du nombre des demandeurs d'emploi, laquelle, je tiens à le préciser, tient davantage à une adaptation qu'à un malaise de notre économie. En effet, l'évolution démographique, dont les effets se feront particulièrement sentir à la rentrée d'octobre avec la fin des conséquences du prolongement de la scolarité et en raison de l'arrivée sur le marché de l'emploi des classes très nombreuses nées à partir de 1943-44. L'évolution technologique, par ailleurs, qui s'accélère tout naturellement, et c'est très souhaitable, mais qui a pour conséquence, dans un certain nombre de secteurs, la diminution du nombre des postes de travail. L'évolution économique, enfin, qui, dans le cadre de l'ouverture des frontières, conduit à des réformes de structure, à des fusions, à des concentrations, qui ont pour résultat d'augmenter le nombre des demandeurs d'emploi. L'ensemble de ces évolutions justifie les préoccupations qui ont été exprimées par les travailleurs dans le domaine de la sécurité de l'emploi. Je rappelle en effet que le nombre des demandeurs d'emploi est passé de juin 1966 à juin 1967 de 145 000 à 190 000 environ. Et si l'on applique les règles actuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques, cela semble traduire en France l'existence de 300 000 chômeurs environ. Monsieur Chirac a d'ailleurs fait remarquer combien ces données statistiques étaient encore imprécises, ce qui rend nécessaire la constitution d'un appareil beaucoup plus efficace d'évaluation. Il reste que l'aspect général de cette réforme traduit une évolution importante qui est ainsi résumée. Aujourd'hui, vous le savez, le chômage est encore largement considéré comme une sorte de maladie du corps social, une sorte même de maladie honteuse, contre laquelle on lutte en fait par les moyens traditionnels de l'assistance. Cette conception a en fait des conséquences graves sur le comportement et les réactions des partenaires sociaux en face de ce phénomène et se traduit de la part de l'État par le versement à certains chômeurs seulement d'une allocation d'assistance et par la mise à leur disposition de services qui sont relativement désuets et relativement démunis de moyens d'action. Cette situation était d'ailleurs tout à fait normal dans un pays qui n'avait jamais été confronté, en tous les cas dans un passé récent, avec un véritable problème de sous-emploi. L'évolution de notre société nous oblige aujourd'hui à considérer que la notion classique de chômage est périmée et que la demande d'emploi ne fait que traduire un changement normal dans le déroulement d'une carrière. Quelle est la conséquence des adaptations nécessaires de l'économie et qu'elle implique une période de transition à laquelle le travailleur doit pouvoir faire face dans la dignité. Dans cet esprit, l'aide qui doit être apportée aux demandeurs d'emploi ne doit donc plus relever de l'assistance, mais de la mise en œuvre de la solidarité nationale et de la solidarité professionnelle. Cette mutation psychologique indispensable oblige l'État à reconsidérer ses moyens d'action, ceci afin d'une part de mieux connaître le marché de l'emploi, afin d'adapter plus justement l'offre à la demande et de pouvoir entreprendre les actions nécessaires, notamment les actions préventives, d'autre part d'assurer à chaque demandeur d'emploi les moyens de subsistance nécessaires pour faire face aux problèmes de la période de transition et de ne pas ainsi ajouter au traumatisme que provoque la perte de l'emploi le drame de la subsistance familiale ou individuelle. Enfin, de mettre en place un outil de placement qui soit à la fois l'un des moyens de l'État, mais qui soit également souple et efficace pour pouvoir s'adapter rapidement aux différents besoins qui s'expriment sur le terrain. Magazine du Travail, la situation de l'emploi, première diffusion sur France Culture le 8 juillet 1967. Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu balottes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition avait loin, l'ambition l'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau. Pour l'émission Les cadres responsables de notre temps, une série est enregistrée en décembre 1967 au studio 102 de la maison de l'ORTF. Les fins d'année sont propices au bilan et au débat. Voici l'une de ces nombreuses soirées à écouter 50 ans après, en se demandant si la situation a vraiment évolué. Les cadres responsables de notre temps. Une émission débat public de Raymond Gast et Jean Yanofsky. Nous reprenons ce soir, là où nous l'avions interrompu le samedi 30 décembre dernier, la retransmission du dernier débat qui a eu lieu au Théâtre 102 de la maison de l'ORTF sur le thème « La présence de la femme cadre dans la vie économique est-elle souhaitée, acceptée ou redoutée à l'heure de la concurrence internationale, de l'explosion démographique, de l'automation et de la crise de l'emploi ?» Je vous rappelle que ce débat est animé par Mademoiselle Chaton, représentante de la France à la Commission de la condition de la femme à l'ONU, présidente du comité des organisations non gouvernementales à l'UNESCO, Madame Sartin, auteure des livres « La promotion des femmes et le surmenage professionnel », Madame Sulreau, sociologue, Messieurs Edgar Pisani, ancien ministre, Jean Dubois, sociologue, Claude Gruson, ancien directeur général de l'INSEE, et Bernard Leca, président du Centre national des jeunes patrons. Revenons donc à la maison de l'ORTF. Madame Sartin vient de terminer son intervention. Alors que Monsieur Gruson et que Monsieur Leca avait fait entendre une note optimiste sur la place de la femme cadre dans la vie économique, Madame Sartin, plus nuancée, avait constaté que même dans la fonction publique, où l'égalité entre les hommes et les femmes existe théoriquement, en fait, une véritable inégalité de recrutement et d'avancement est maintenue d'une façon plus ou moins ouverte ou plus ou moins discrète. Et que si on peut citer des femmes conseillers d'État, présidents de tribunal, chefs de service de ministère, en fait, ce sont des cas dont la rareté n'est après tout qu'un argument de plus à verser au dossier de l'inégalité. En est-il de même dans les pays de la communauté, puisque dans moins de 8 mois, l'application des dispositions du traité de Rome sur la libre circulation des personnes et des biens va imposer une confrontation peut-être douloureuse entre des conceptions et des structures sociales différentes. C'est Mme Sulreau qui va maintenant prendre la parole et nous dire si elle partage le pessimisme de Mme Sartin en ce qui concerne la France et en ce qui concerne les autres pays de l'Europe occidentale. Madame, nous vous écoutons. Eh bien alors, là, le pessimisme va encore augmenter, parce que en effet, la situation de la femme cadre en Europe occidentale est assez catastrophique, au point que le pessimisme de Mme Sartin devrait être un optimisme en France, parce que la France se situe relativement bien dans la médiocrité épouvantable. nous avons peut-être lieu de nous réjouir d'un pourcentage de 3,7% d'ingénieurs. Moi, je ne vois pas de quoi se réjouir. Mais enfin, il est certain qu'à droite et à gauche de nous, dans l'Europe du marché commun, c'est pire encore. C'est pire encore pour les proportions d'avocates ou de juges, puisqu'il y a encore des pays comme l'Italie où la magistrature est fermée aux femmes. Les proportions, sans ça, de femmes cadres dans l'administration, c'est aussi en France qu'elles sont les plus élevées. Donc je crois qu'on ne peut pas trouver, en tout cas dans les pays du marché commun, une situation qui soit supérieure. Mais je crois qu'il n'y aurait pas lieu d'en faire une espèce de tableau d'autosatisfaction. Parce que tout de même, on peut jeter un coup d'œil, sans du tout faire de politique, au-delà du rideau de fer, et constater que là, il y a 500 000 de femmes ingénieures. 500 000. 36% des ingénieurs soviétiques sont des femmes. 80% des médecins soviétiques sont des femmes, même si c'est une profession dévalorisée, comme le faisait très justement remarquer Mme Sartre, c'est-à-dire qu'on ne les paye pas beaucoup. Néanmoins, les gens vivent très vieux, et c'est là que la mortalité infantile est la plus basse. Donc, même mal payées, elles ont quand même le titre et elles ont la fonction. Mais dans l'Europe des Six se produit, je crois, conjointement deux mouvements. Celui que M. Gruson nous disait avec beaucoup de talent tout à l'heure, c'est-à-dire que dans ces sociétés condamnées au progrès, ces sociétés de projet que nous vivons, nous avons besoin de plus en plus de cadres et ces messieurs se tournent donc vers cette réserve de cerveau que pourraient représenter les femmes. Je voudrais... Simplement parce que depuis des mois, j'ai travaillé sur l'histoire du travail féminin depuis l'Antiquité, signaler une chose, c'est que de l'autre côté, du côté de la masse féminine, il y a aussi un mouvement en ce sens qui vient d'une constatation toute simple. C'est pas que par génération spontanée que tout à coup dans les esprits féminins est venue l'idée de travailler et de travailler à des choses sérieuses qui soient vraiment une ouverture sur le monde et une manière d'agir sur le monde. C'est que jamais dans l'histoire économique, les femmes n'ont été aussi marginales économiquement. Si vous prenez l'économie du Moyen-Âge ou même l'économie de la France au début du XXe siècle, vous apercevrez que la part de production des femmes dans les cellules familiales qui fournissaient l'habillement, enfin le textile, l'éclairage, l'alimentation, beaucoup de l'ameublement, et j'en oublie, était certainement plus grande que maintenant. Et c'est de cette fragilité de l'insertion économique des femmes dans le monde actuel que vient beaucoup une sorte de malaise et l'envie de s'intégrer mieux à cette société, d'autant plus que la femme est plus instruite. Mais alors, ensuite, il faut reconnaître une chose qui est un principe d'où tout dépend. Les difficultés de la femme au travail et de la femme cadre aussi se situent en dehors du monde du travail. D'où une sorte de semi-indifférence des sociétés pendant longtemps. Puisque nous vivons dans un monde de concurrence, comment justement les femmes qui ont des difficultés en dehors du monde du travail, qui viennent les handicaper, peuvent-elles arriver à soutenir une concurrence? Au contraire, il faudrait les aider, et pourquoi est-ce qu'on les aiderait? Les gouvernements répugnent un petit peu à se pencher sur des problèmes domestiques, et hélas, les difficultés des femmes au travail, ce sont des difficultés qui se trouvent justement dans le monde domestique. Mais ça commence à la maison, par l'éducation différente, de la fille et du garçon, je ne voudrais pas m'étendre parce que ce serait des généralités. Ça se poursuit à l'école. Puisque nous parlions du marché commun, je signale par exemple que dans les écoles secondaires belges, hollandaises et allemandes, il n'est pas possible à la jeune fille de faire autant de mathématiques qu'au garçon. Il y a 2 heures de mathématiques de moins autoritairement pour les filles que pour les garçons et moins d'heures de physique aussi. C'est à peu près la même chose en Italie, quoi qu'on puisse tourner la question. En France, il est certain qu'il y a une sorte de liberté, puisque une jeune fille peut aller dans la section de son choix. Mais qu'est-ce que la liberté? Je ne vais pas faire de la philosophie, mais il n'y a pas de liberté sans information. Sans information totale, complète, des familles, des jeunes filles, et de l'avenir qui s'ouvre à elles, sans contrôle même. On parvient à peu près au même résultat en laissant cette sorte de liberté des jeunes filles d'aller prendre une teinture de culture ou même de prendre la Sorbonne pour une agence matrimoniale. Donc, dès la sortie des études, on se trouve devant deux problèmes, les tâches ménagères, la garde des enfants. Et ça, il est bien difficile de faire comprendre à des gouvernements qu'il faudrait s'en occuper. J'ai cité tout à l'heure les résultats étonnants de la promotion des femmes soviétiques. Par exemple, dans les cadres économiques, n'est-ce pas, elles sont tout de même majoritaires. Elles sont 70% au plan. Eh bien, tout de même, Lénine s'était penché sur le problème puisqu'il avait écrit cette phrase « Délivrer la femme de ses besognes abrutissantes est une nécessité politique de première importance ». Je ne sais pas comment attirer l'attention de notre État, de notre gouvernement, de notre administration sur le ménage, mais peut-être en faisant remarquer que si on comptabilise la vie active d'un pays comme la France, non pas en chiffre de production, mais en heures, on s'aperçoit que toutes les professions rémunérées réunies n'arrivent pas en une année à une sorte de capital temps dépensé aussi grand que celui que mobilisent les travaux ménagers non rémunérés. 45 milliards d'heures de travail à peu près par an sont dépensés à faire des épluchages, des lavages, des raccommodages, des nettoyages, et j'en passe. Donc, nous rentrons dans cette première notion, la notion essentielle, je crois, de la vie des femmes, c'est le temps. Comment est-ce qu'un pays supporte que plus de temps soit, en somme, utilisé dans une année pour des besognes marginales et qui pourraient être rationalisées? Je ne sais, mais pour la femme, ça se présente sur le plan quotidien par des horaires impossibles, pour quiconque a autre chose dans sa vie que le travail. Je pense que, pour en revenir à ces fameux cadres A dont nous avons parlé tout à l'heure, et à qui M. Gruson a sainement promis le surmenage, je pense qu'il est aberrant qu'il fasse des enfants. Parce que si l'homme accepte de faire des enfants, et en même temps de penser que ses horaires sont uniquement en fonction de son travail, alors je crois qu'aucune femme ne pourra jamais prendre cette voie, à moins qu'elle se voue à une sorte de non-maternité. Ensuite, sur le plan de la vie entière, je crois qu'il faudrait repenser l'insertion de la femme dans la vie économique. C'est dans la jeunesse, au moment des maternités, du mariage, que la femme, semble-t-il, d'après les plus récentes études faites sur ce sujet, réussit le moins bien tant dans ses tests intellectuels que dans ses tests psychotechniques. Par contre, c'est passé 35-40 ans qu'elle arrive à des performances meilleures et elle reste stable plus tard, plus longtemps que l'homme, jusque vers 60 ans. Donc, la courbe de ses performances est tout à fait différente de celle des hommes et il semble qu'il lui faille s'adapter à une vie de travail qui est pensée par les hommes pour les hommes. Il faut qu'elle fasse ses preuves, toutes ses preuves, comme épouse, comme mère et comme cadre, à l'époque où, justement, il semble qu'elle soit la plus fragile au point de vue hormonal et la moins adaptable à la vie d'un cadre. Peut-être est-ce que ce n'est pas très réaliste. Je ne veux peut-être pas du tout dire qu'il faut traiter les femmes en objet particulier, mais peut-être réclamer des études plus approfondies dans un seul but d'ailleurs d'efficacité, de savoir, comme disait M. Leca, employer vraiment la femme dans l'entreprise. Donc réclamer des études plus approfondies, à la fois des études de physiologie, de psychotechnie, de psychologie, pour savoir quelle est réellement la meilleure adaptabilité de la femme au monde du travail et peut-être redécouvrir cette deuxième partie de la vie qui nous est donnée à nous autres femmes très longue puisque nous avons une longévité que nous n'avons pas réclamée d'ailleurs mais qui est plus longue que celle des hommes. Nous voyons d'ailleurs, les données de la démographie sont parlantes, que depuis peu, depuis la guerre, non seulement notre longévité s'est encore augmentée puisque nous vivons 73 ans en moyenne, contre 68 heures, ces pauvres âmes. Mais encore, l'âge du mariage s'est abaissé et l'âge des maternités s'est abaissé. Par conséquent, la deuxième partie de la vie de la femme, quand son dernier enfant est à l'école, est une vie qui s'allonge toujours plus et qui comporte au moins 20, 25, 30 ans où elle peut être véritablement une travailleuse. Et puis, il faudrait, je crois, songer aux horaires, parce que là, je voudrais finir alors carrément dans une note tout à fait pessimiste. Moi, j'ai l'impression que nous allons vers une société démentielle. Des banlieues gynécées, des bureaux casernes, c'est Sparte Empire. Et je pense que nos sociétés ne pensent plus qu'à la production et pas du tout à l'aménagement de la vie humaine. Et que peut-être, de réfléchir sur les difficultés d'insertion de cette excroissance irritante qu'est le travail féminin, n'est-ce pas, que sont ces bataillons de personnes qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, permettrait de repenser la question des horaires. Qui est-ce qui peut travailler 10 heures de suite par jour, 9 heures de suite convenablement? Moi, je crois personne, mais enfin. Et se demander justement si, en songeant à adapter les femmes à la vie du travail, on ne pourrait pas adapter la vie du travail et la production tout simplement à l'homme pour que l'efficacité du travail soit doublée aussi d'un certain bonheur de vivre. Madame, statistiquement au moins, vous avez le privilège d'avoir le dernier mot. Mais il me semble retenir de votre propos que vous souhaitez en quelque sorte deux carrières totalement divergentes pour les hommes et pour les femmes, au moins dans les carrières scientifiques et techniques, puisque nous savons que la carrière de l'homme devient plus difficile après 35-40 ans, alors que vous semblez considérer que c'est à ce moment-là que la carrière de la femme pourrait faire un démarrage foudroyant. Il y a là un problème d'organisation du travail qui me paraît assez compliqué à résoudre. Mais je pense que nous reviendrons sur ce sujet tout à l'heure. Je voudrais maintenant donner la parole à Mademoiselle Chaton. Je pense, Mademoiselle, que si la femme a des difficultés dans la vie professionnelle, dans son classement, dans la vie de l'entreprise, je pense qu'il va peut-être prendre le problème à l'origine, au départ, et que cela vient pour une bonne part de l'environnement social et de l'environnement familial. Je crois en effet que c'est un des problèmes les plus importants, et il faudrait, il me semble, le prendre par le conditionnement de la jeune fille dès sa famille. Et si nous cherchons quels sont les facteurs éducogènes de la famille, le père et la mère, bien nous nous apercevons que assez souvent, ce facteur est assez peu favorable à des études prolongées et plus encore à des choix de carrière. Je ferai appel à des souvenirs de professeurs. Lorsque j'avais des jeunes filles, je leur disais « mais si vous êtes avocate ou autre chose », et assez souvent, à l'âge de 14 ou 15 ans, vous aviez un rire un petit peu niais comme on rit à 14 ou 15 ans, et elles n'avaient pas du tout l'impression qu'elles pouvaient devenir avocate, médecin, voire ingénieur. Et ceci, lorsqu'on arrivait à discuter de carrière, était extrêmement net lorsque les enfants apportaient des objections qui venaient de la famille. Et on aurait pu déterminer une carte des familles, les familles dont les mères étaient employées, occupées activement, et les familles dont les mères justifiaient auprès de leurs filles le fait que la fille ne devait pas prendre de profession. Ça aurait été extrêmement amusant de faire l'épreuve, comme il m'est arrivé de la faire. Cependant, il y a un fait certain, c'est qu'on est arrivé à des résultats favorables. Les filles arrivent à l'université. Il faut bien parler de cette fameuse université, et notre pays est de ceux dans lesquels elles sont à 40% arrivées à l'université, avec d'autres pays comme l'URSS qui a 43%, la Bulgarie 43%, la France 42%. Le sommet, c'est la Finlande, avec 49%, sans qu'on puisse dire du reste qu'il y a là, pour la profession ultérieure, quelque chose. À 30 à 40%, vous avez un certain nombre de pays, dont certains ont fait des réussites techniques pour les femmes, comme par exemple la Pologne, et vous prendriez à 25% les Pays-Bas, la République fédérale allemande, l'Autriche et la Norvège, sans parler de la Suisse ou de la Turquie. Or, si nous reprenons maintenant, un peu plus tard, la question des femmes ingénieures, si on se penche, Madame Sulraud a bien indiqué notre 3,7% et le 52% de l'URSS. Mais alors, on se dit, qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces femmes? Eh bien, ici, c'est dans le choix de la carrière qui a été véritablement déterminé assez souvent par la famille. Et il y a eu une influence tranquillisante, n'est-ce pas, la carrière, c'était l'enseignement. Autrefois, la jeune fille devenait préceptrice. Après ça, elle s'est consacrée à l'éducation des enfants dans les écoles et dans les lycées. On ne la voyait pas cherchant un métier, on ne la voyait pas avec cette incertitude du cadre. Le cadre peut arriver à une profession rapide, brillante, il peut la perdre aussi. Et je crois qu'il y a eu, du côté des familles, ce désir de tranquilliser. Alors, comment faire? Il me semble qu'il y a quelque chose qu'on a déjà mis en valeur, c'est la nécessité d'amener les jeunes à se considérer comme capables d'occuper un certain nombre de fonctions. Je dirais, c'est la mixité des études que nous avons à l'université. Je n'aurais pas d'objection, du reste, à la séparation des écoles, si les écoles sont égales. Je crois que la ségrégation qui est mauvaise, c'est la ségrégation d'orientation professionnelle. Enfin, je voudrais terminer par un point essentiel, il me semble, c'est que il y a pour les femmes des carrières de cadre. Je trouve que la femme cadre doit essentiellement chercher à se qualifier. Ça n'est pas l'examen, ça n'est même pas la promotion qui sera une promotion sur le tas qui sera suffisante. C'est la promotion constante. Et je crois que la chose essentielle, ce serait de maintenir que la femme cadre, comme l'homme cadre, doit avoir une polyvalence, en laissant de côté peut-être ce désir de stabilité, de sécurité, qui a été trop longtemps l'apanage de la femme. C'est donc une véritable mutation psychologique de la femme que vous souhaitez. Monsieur Dubois, vous avez analysé de toutes les façons la situation du cadre, sans d'ailleurs insister plus particulièrement sur une distinction entre les cadres masculins et les cadres féminins. Faut-il donc admettre que pour vous, le problème des cadres féminins ne se pose pas ou qu'il se confond avec celui des cadres masculins ? Je ne pense pas qu'il se confonde avec celui des cadres masculins. Et si vous voulez bien, pour essayer de préciser ma pensée, je partirai d'une constatation que je fais, sinon tous les jours, mais presque à chaque fois que je me trouve dans un dîner ou un déjeuner où le ton baisse ou la conversation languit, alors je lance le sujet des femmes cadres et la température monte immédiatement. Les réactions même qui sont provoquées atteignent parfois un tel degré d'aberration qu'on en vient à se demander ce qu'il peut y avoir dans cette expression de femme cadre, qu'il n'y a pas apparemment dans l'expression d'ouvrière ou d'employée, qui suscite de pareils déferlements de passion. Il y a bien sûr dans cette expression qui a l'air d'horripiler dans le fond pas mal de gens, et je m'en excuse, on l'a déjà pas mal employé ce soir, j'en ferai autant. Il y a deux façons d'être horripilé par l'expression femme cadre. Il y a une première façon, c'est justement de faire une discrimination entre les cadres hommes ou femmes. Et je crois qu'on en a beaucoup parlé ce soir, et de façon qui permet, si vous voulez, de franchir un pas supplémentaire. Parce que ce qui me choque dans l'expression femme cadre, ce n'est pas qu'on distingue des hommes des femmes, c'est que les femmes aient envie d'être cadres. Et puisque vous parlez de la notion de cadre, il me semble que c'est aujourd'hui une notion qui, justement, est typiquement masculine. Et vous voyez pourquoi je dis que je suis choqué de voir les femmes avoir envie d'être cadres. C'est que la notion de cadre, sa place dans la hiérarchie, l'exercice de certaines activités spécifiquement masculines et nobles, qui la définissent, cette notion de cadre appartient très proprement à une société de type patriarcal qui s'est prolongée par des entreprises de type paternaliste et qui nous amène aujourd'hui à avoir une industrie incapable d'adapter ses structures à un monde qui ne supporte plus ce paternalisme. Alors il me semble que si justement l'expression de femme cadre suscite des réactions, ça va bien au-delà des réactions immédiates de peur, de la concurrence et de tout cela. C'est beaucoup plus profond que ça. Je crois que très confusément peut-être parfois, les hommes cadres sentent qu'à partir du moment où un certain nombre de femmes seront devenues cadres, le cadre ne pourra plus être ce qu'il est aujourd'hui. Ceci pour une raison qui me paraît simple, c'est qu'il y a une contradiction entre les aspirations qui poussent la femme à occuper justement des emplois occupés aujourd'hui par les hommes cadres. Il y a contradiction entre ces aspirations et la situation traditionnelle du cadre. Je n'en prendrai, si vous voulez, qu'un exemple pour montrer où je vois la contradiction et pourquoi je pense que les femmes constituent un espèce de ferment révolutionnaire. Je dis bien « pourrait constituer ». Prenons l'exemple classique du commandement. Des arguments qu'on entend venir tout de suite dans les discussions de ce genre, c'est que, on dit « voyons, qui est-ce qui est le patron ? L'homme, vous allez mettre des femmes à commander, c'est impensable. » Bon, c'est absurde, effectivement, mais il y a beaucoup plus absurde. Hein ? Si la femme a eu envie de travailler et d'occuper des postes hautement placés dans la hiérarchie, c'est très probablement, pour une bonne part, parce qu'elle a eu envie de sortir d'une condition qui, limitée au domaine du ménage, lui apparaissait souvent comme une condition de dépendance. Et elle a eu envie, en acquérant un métier, et plus spécialement en acquérant des métiers hautement qualifiés, d'acquérir un statut d'autonomie. Je ne veux pas dire qu'elle s'est forcément libérée, mais c'est important pour elle. Or, qu'est-ce qui se passe ? Elle arrive dans l'industrie, et elle, qui se trouve là au prix d'une longue lutte quelquefois pour obtenir cette libération, elle voudrait exercer un commandement sur l'ensemble des autres salariés, ce qui est typiquement renforcer la situation de dépendance d'une partie des gens vis-à-vis des autres. Autrement dit, elle reproduit dans l'industrie la situation dont elle a voulu se libérer dans son ménage. C'est en ce sens-là que je dis que si la femme pousse jusqu'au bout ses aspirations, elle est amenée obligatoirement à remettre en question la situation et le rôle tel qu'il est tenu aujourd'hui par les cadres, tant sur le plan de l'exercice de leur travail, que sur le plan du commandement, que sur le plan de la liaison travail-vie privée. Et en ce sens-là, Mme Sullereau a dit que si être cadre, c'est travailler 12 heures par jour, n'est-ce pas, et est incapable de s'occuper de son foyer, bien là encore, je pense que la femme montre la voie aux hommes. Et ça serait la conclusion, si vous voulez, de ceci. C'est que par rapport au sujet qui nous intéresse, je pense qu'on peut en tirer deux conclusions, l'une négative, l'autre positive. La conclusion négative, c'est que nous avons une explication peut-être au refus, ou disons aux réticences, d'un certain nombre de gens devant la promotion féminine. Et que ce qui me paraît personnellement être leur refus, la racine de ce refus, c'est une peur extrêmement profonde qu'éprouve la société actuelle d'être obligée de se remettre en question. Et que devant cette peur, on mobilise toutes les résistances possibles et tous les alibis possibles. La deuxième conclusion me semble être plus positive. Je pense que de fait, il n'y a pas besoin simplement d'heures de travail supplémentaires et de travaux supplémentaires pour permettre à notre société industrielle de s'adapter aux conditions d'aujourd'hui. Il y a besoin d'autres structures, il y a besoin d'autres mentalités, il y a besoin de changer la façon dont les rôles sont distribués. Et en ce sens-là, il ne faudrait surtout pas que la femme s'arrête comme si elle était contente d'être devenue cadre, de la même façon qu'un aveugle serait ravi d'être devenu borgne alors qu'il pourrait voir des deux yeux. Et je crois qu'il est très important que si les femmes deviennent cadres, elles songent qu'elles n'ont pas résolu leurs problèmes, mais qu'elles ont simplement amorcé un mouvement que les hommes, un jour ou l'autre, devront bien suivre. La chance des femmes, c'est justement que si elles sont venues au travail, c'est qu'elles ont amorcé ce mouvement, alors que les hommes, de leur côté, sont au contraire figés dans des images traditionnelles qu'ils ont de la peine à quitter, et c'est normal. Et je pense que c'est aux femmes d'amener les hommes à remettre en question, non pas l'image que les hommes se font de la femme, mais l'image que les hommes se font d'eux-mêmes. C'est sur cette intervention de M. Jean Dubois qui, vous l'avez constaté, après avoir provoqué des murmures, des protestations et même quelques sifflets, a finalement soulevé une belle salve d'applaudissements que nous interrompons la diffusion de ce débat conformément aux exigences de l'horaire. Vous avez entendu, je vous le rappelle, les interventions de Mlle Chaton, de Mme Sullereau et de M. Jean Dubois dans le débat sur le thème « La présence de la femme cadre dans la vie économique est-elle souhaitée, acceptée ou redoutée ?» à l'heure de la concurrence internationale, de l'explosion démographique, de l'automation et de la crise de l'emploi. venez d'entendre l'émission Débat public, les cadres responsables de notre temps. C'était une production de Raymond Gast et Jean Yanofsky. Que sera 1968 ? Rappelons ce qu'en disait le président de la République, Charles de Gaulle, dont nous entendions les vœux pour l'année 1968 dans la première émission de cette série. Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant, en considérant la façon dont les choses se présentent, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois l'existence de notre pays. Bien entendu, tous les intérêts, toutes les tendances, tous les désirs ne seront pas comblés l'année prochaine. Il est sûr que nous subirons diverses épreuves, déceptions et lacunes. Je ne doute pas que de multiples regrets, griefs et critiques auront de quoi s'alimenter. Les vers de Verlaine, « mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille », peuvent évoquer une paisible demeure, non pas un grand peuple en marche. Je crois cependant qu'au total, à moins de graves secousses qui bouleverseraient l'univers, notre situation continuera de progresser et que tout le monde y trouvera son compte. Fin de citation. Rubber band. There's a rubber band that plays tunes out of June in the library garden Sunday afternoon, while a little chappie waves a golden wand. Rubber band. In 1912 I was so handsome and so strong, my moustache was stiffly waxed and 1 foot long, and I loved a girl while you played tea time tunes. Dear rubber band, you're playing my tune out of tune. Rubber band, won't you play a haunting theme again for me, while I eat my scones and drink my cup of tea. The sun is warm but it's a lonely afternoon. That I had joined your rubber band, we'd have played in library parks throughout the land, and one Sunday afternoon I'd find my love. Rubber band. In the 1418 war I went to sea, thought my Sunday love was waiting home for me. Now she's married to the leader of your band. En attendant cet avenir qui n'appartient pas aux hommes, un peu tout de même, voici l'heure du bilan social dans l'émission Magazine du Travail, diffusée le 30 décembre 1967. Voici le magazine du travail, réalisé sous la direction de Roger Michaud par le service d'information sociale de l'actualité radiophonique. À l'indépendance du monde. Au micro, Louis Georgetier. 1967, cette année qui n'en a plus pour longtemps à vivre, 1967 restera, je crois, celle où la sécurité de l'emploi est devenue une des principales préoccupations des travailleurs. Dans un pays où des mutations économiques considérables s'opèrent, où dorénavant le savoir n'est plus un acquis puisque ses données évoluent sans cesse, dans un pays aussi qui est loin d'être adapté à la mobilité inévitable de la main-d'œuvre et qui commence à peine à organiser la formation permanente, le salarié se sent tout à coup très démuni. Après ce préambule, nous allons, vous vous en doutiez, je pense, nous allons consacrer ce magazine justement aux problèmes de l'emploi, en particulier à ceux que posent à tout instant maintenant les concentrations d'entreprises, dont les cadres, nous parlerons d'eux également, ont été les premiers à souffrir. Le bilan de l'année écoulée que nous nous proposons de faire maintenant et les quelques perspectives d'avenir que nous désirons esquisser ne nous éloigneront guère de ces préoccupations. Roger Michaud, vous avez demandé à Raymond Lartigue, directeur des publications quotidiennes Liaison Sociale, de venir bâtir et commenter avec vous ce bilan. Raymond Lartigue, il y aurait beaucoup à dire sur les textes sociaux adoptés cette année, soit par la voie normale, soit par la voie des ordonnances. Si les syndicats ont trouvé des aspects positifs aux ordonnances sur l'emploi, si elles ont contesté l'importance du droit nouveau accordé aux travailleurs en ce qui concerne l'intéressement, les confédérations syndicales ont surtout protesté contre les textes réformant la sécurité sociale, et ceci avant même qu'on connaisse les intentions du gouvernement en cette matière. Oui, et vous faites allusion à la journée nationale revendicative contestataire du 17 mai 1967, qui, pour la première fois, je crois que cela mérite d'être souligné, a vu réunis les trois grandes confédérations syndicales sur un même objectif, c'était l'abrogation du train des ordonnances que l'on attendait. Les organisations syndicales voulaient surtout mettre en garde le Parlement contre l'abandon de ses prérogatives. C'est ça, cette journée est une journée de dissuasion, car à l'époque, il ne faut pas s'oublier, on ne connaissait pas encore les détails et de loin de cette réforme. Malgré le 17 mai, le gouvernement, profitant certainement, affirme d'aucuns, de la période des vacances, il a sorti ses trains d'ordonnances, commençant très adroitement par sortir le premier, celui qui soulevait le moins de contestations, qui n'en soulevait d'ailleurs pas, celui concernant la protection de l'emploi. Et puis a suivi, très peu de semaines après, le fameux train portant réforme de la sécurité sociale. Et puis après, eh bien après, on a eu les textes d'application, et nous sommes arrivés au 13 décembre, où non plus toutes les organisations, mais certaines d'entre elles, ont organisé à nouveau une journée nationale d'action revendicative. Ce que je voudrais noter, c'est que peut-être les organisations syndicales se trouvent en ce moment à la recherche de nouveaux moyens d'action et qu'elles ne les ont pas encore trouvés. Car en fait, du temps de la 4e République, on savait que les gouvernements n'étaient pas assurés de durer. On pouvait contester telle ou telle partie de leur politique sociale, mais en fait, on ne contestait pas en bloc la politique économique et sociale. Or, en ce moment, il semble bien que deux organisations, la CGT et la CFDT, contestent en bloc la politique économique et sociale du gouvernement. Et alors, ce qui veut dire, à mon sens, c'est qu'elles sont engagées dans un processus de lutte et d'action qui paraît périmé. Elles ne considèrent pas que ce processus d'action est périmé. Elles affirment même qu'à l'actif des journées du 17 mai et des journées du 13 décembre, il y a un certain nombre de succès. Mais on peut se demander si elles ne confondent pas les effets et la cause, si elles ne confondent pas les moyens avec l'objectif. Car en définitive, à quoi mesure-t-on le succès d'une journée revendicative ? Est-ce au fait qu'elle va rassembler des dizaines, des centaines de milliers de travailleurs, ou est-ce au fait qu'elle va obtenir l'abrogation des mesures pour lesquelles on avait organisé cette journée ? Précisément. Or, actuellement, il y a une confusion, indiscutablement. Je crois. Mais les responsables syndicaux sont parfaitement conscients. Je crois. Et il semble que les organisations syndicales soient obligées de s'engager dans un certain processus de politisation, ou tout au moins de contact politique, pour préparer une autre politique sociale que celle qu'ils sont en train de contester d'une manière globale. Mais c'est tellement vrai que, pour certaines d'entre elles, tout au moins, elles ont des contacts systématiques avec toutes les formations de la gauche, toutes les formations politiques de la gauche. Mais sur le plan des relations professionnelles, je ne crois pas non plus que l'année 67 soit un grand cru. Non. Dans le domaine des accords avec le patronat. Certainement pas. 67 doit quand même être marqué, il faut le rappeler, par... pour la première fois depuis fort longtemps, une reprise des contacts au niveau du CNPF avec toutes les organisations, y compris la CGT. Mais il ne faut peut-être pas oublier non plus que si ces contacts ont eu lieu, c'est sur l'invitation pressante du Premier ministre. On peut se demander d'ailleurs quel sort ces conversations connaîtront en 68. Le patronat a déjà dit qu'il voulait bien discuter au niveau national de principes concernant seulement l'indemnisation du chômage partiel et que pour tous les autres points contenus dans la lettre de M. Pompidou, eh bien, il voulait renvoyer cela à ses fédérations d'industrie. Et ça ne préjuge pas beaucoup d'un meilleur climat social en 1968, vous ne le croyez pas? Oui, d'autant plus que le patronat, à juste titre d'ailleurs, se prévalant d'une situation économique qui est plutôt maussade, se référant à l'échéance du 1er juillet 1968, ne veut pas mettre en cause l'équilibre des entreprises et affirme que ce n'est pas le moment de faire du social comme on a pu le faire il y a quelques années. Il faut donc avoir une politique sociale, mais très prudente. C'est peut-être dans un domaine limité, mais qui, compte tenu toujours de cette même conjoncture, a une importance considérable, celui du chômage partiel, qu'un accord pourrait, on l'imagine, intervenir dans les quelques semaines ou dans les quelques mois qui vont venir de 1968. Je crois qu'il y a vraiment une crainte des travailleurs devant la récession économique, ou tout au moins devant la récession de l'emploi. Nous avons eu deux conventions sociales intéressantes dans ce domaine, dans le domaine de la sidérurgie, qui protègent les travailleurs contre les conversions, les concentrations, les fusions. Mais j'ai l'impression que ce n'est que le début d'une ère nouvelle et qu'en 68, nous allons voir s'accélérer les fusions et les concentrations. C'est exact. Et cette conjoncture ne facilite pas l'organisation de grands mouvements protestataires, de grands débrayages, d'autant plus que les bourses se sont amenuisées. Mais est-ce qu'il faut être aussi pessimiste que ça, quand même, pour 68? On n'a pas le droit de l'être à la fin d'année, à quelques jours de 68, d'autant plus qu'on peut escompter une relance du droit conventionnel, nous y faisions allusion tout à l'heure, et grâce à la ténacité des organisations syndicales, à leur force de conviction, eh bien, un élargissement du domaine conventionnel pour protéger davantage les travailleurs dans une année 68 qui aura grand besoin de voir accroître la protection, car c'est une année qui sera marquée, on y faisait allusion tout à l'heure, par cette fameuse échéance du 1er juillet 1968. Oui, je crois que nous aurions bien besoin de paix sociale en 1968 pour aborder le marché commun. Je crois qu'il y faudra la bonne volonté de tous et des concessions de tous, peut-être aussi. Mais la paix, on ne peut l'accepter qu'à certaines conditions. Bien sûr. Il faut quand même, en 1968, admettre que les travailleurs ont droit à un niveau de vie qui doit s'améliorer. À quoi servirait ce progrès technique que nous constatons chaque jour? Eh bien, alors, si on était écarté le plus grand nombre de travailleurs. C'était le magazine du travail, bilan de l'année sociale par Louis-Georges Étier, avec Raymond Lartigue et Roger Michaud, première diffusion sur France Culture le 30 décembre 1967. C'était 1967 et nous avons bien mérité d'écouter intégralement le tube de l'été dont les premières notes nous servaient de générique. Face at first just go sleep. turn the wider shade of pale. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document Ina Haute-Vassan, réalisation Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter en ligne ou télécharger toute cette série sur le site franceculture.fr à la page de l'émission. I'm in no hurry.